Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Difficile d'oublier ces images. Visage meurtri et ensanglanté, corps pantelant, regard perdu. Cet homme, que l'on manie comme une poupée de chiffon, est-il encore vivant ? Autour, on crie, on insulte, on vocifère. Ce quasi-cadavre qu'on va jeter sur le capot d'un pick-up, comme un vulgaire colis, c'est, ou plutôt c'était, le redoutable Muammar Kadhafi, le dictateur qui régnait sans partage depuis 1969 sur la Libye, l'officier fantasque qui aimait parader et arborer les tenues les plus excentriques, le dirigeant qui inspirait la plus grande peur à ses concitoyens. Quelques minutes plus tôt, on l'a fait sortir d'une canalisation, un égout, son ultime et dégradant refuge. Que s'est-il passé avant sa capture ce 20 octobre 2011 ? Aujourd'hui encore, presque 2 ans après, on ne sait pas vraiment. Il ne faut pas attendre des nouveaux maîtres d'un pays qui sombre dans le chaos et la division, une quelconque révélation sur ce qui apparaît à l'évidence comme une exécution. Mais n'était-ce pas le véritable objectif poursuivi par les révolutionnaires libyens et surtout par les dirigeants occidentaux qui bombardaient sans relâche la Libye depuis plusieurs mois et faisaient donc fi de la mission que leur avait confiée l'ONU, c'est-à-dire uniquement la protection des civils. Monsieur X revient sur ces événements libyens et surtout sur ses conséquences dont les effets catastrophiques se font sentir jusqu'au lointain Mali et dans tout le Sahel. Mais tout d'abord, il dévoile ce qu'il sait sur les conditions de la mort de Kadhafi. فرنش تاكسيات بتكروش كرش كله نضيف كله خلنش والأسوأ زي الشطرنش نضيفة ظريفة زي التلج فيها الشبان تتمايل والبنات بتغنوش غنش كله نضيف كله نحيف كله مهفهف كله لطيف كله نضيف كله نحيف كله مهفهف كله لطيف Boya tirilu Quand Kadhafi est capturé et tué en octobre, ça fait déjà plusieurs mois, depuis le 19 mars 2011 exactement, que les aviations de la coalition effectuent des bombardements sur la Libye. Et la coalition, c'est-à-dire essentiellement la France et la Grande-Bretagne. Avec l'indispensable appui logistique des États-Unis. Mais il ne faut pas oublier le Qatar et les Émirats. La caution arabe de l'intervention, en somme. Enfin, passons. En août, les insurgés se sont emparés de la capitale, Tripoli. Mais Kadhafi a déjà quitté l'immense complexe où il se terrait. Et on ne sait pas où il est passé. Hein. C'est ça. Mais il faut dire qu'il dispose encore de nombreux partisans qui continuent à se battre. On reviendra sur ce point, car manifestement, les stratèges occidentaux n'avaient pas pris la mesure du soutien dont ils bénéficiaient dans le pays. Malgré la terreur qu'inspirait le régime. Oui, et c'est le cas en particulier dans sa ville natale, Sirte. Mais c'est là où il se cache. Oui, ça on l'apprendra plus tard. Il y occupe une modeste villa avec quelques-uns de ses fidèles. Mais même ses voisins ignorent que le guide, comme on l'appelle, a trouvé refuge dans cette maison. Alors comment va-t-on le localiser? Il aurait été trahi par son téléphone satellitaire. Vous employez le conditionnel, hein? Parce que rien n'est clair dans cette affaire. On a même prétendu que c'est le président syrien Bachar al-Assad qui aurait communiqué aux alliés son numéro de téléphone. Ça me paraît improbable. En tout cas, s'il s'est servi à plusieurs reprises de cet appareil, il s'est trahi, car les avions espions de l'OTAN ne cessaient de surveiller toutes les communications. Une imprudence, donc. Hein. Certainement. A-t-il eu conscience, lui, de s'être trahi? Peut-être. Mais n'importe comment, à Sirte, la situation militaire de ses partisans devenait de plus en plus précaire. Tant et si bien que Kadhafi et l'un de ses fils, qui commandaient la petite troupe qui résistait encore, ont pris la décision de fuir. Et mais vers où alors? Le sud, où le dictateur pensait pouvoir compter sur ses protégés, Toubou ou Touareg. Dans la nuit du 20 octobre, il a donc été décidé de prendre la route. Mais Kadhafi n'était pas seul. Ses fidèles aussi devaient fuir. Au total, il y avait 250 personnes réparties dans une cinquantaine de véhicules tout-terrain. Et ce convoi pouvait difficilement passer inaperçu. D'autant que l'organisation des fuyards a pris du retard et qu'au lieu de profiter de l'obscurité de la nuit, le convoi est parti au petit jour. Oui, donc il a été repéré. Ça a été relativement facile car on savait que Kadhafi se dissimulait à Sirte. Donc la ville et ses alentours étaient constamment surveillés. C'est un drone américain qui a effectué la première observation, suivi aussitôt par le tir d'un missile qui a immobilisé le convoi. Puis deux bombes guidées par laser auraient été lâchées sur les véhicules. Et lâchées par quel appareil alors? Peut-être un Mirage français. Quoi qu'il en soit, c'est la panique parmi les rescapés. Et c'est là que, pour échapper à de nouveaux tirs, les survivants, dont Kadhafi, auraient trouvé refuge dans une canalisation sous un pont. D'où ils vont être extraits par des rebelles. Et vraisemblablement lynchés dès que ceux-ci auraient reconnu Kadhafi. Mais selon une autre version, confirmée par l'un des dirigeants de la rébellion, Mahmoud Djibril, c'est un agent français présent au sol qui aurait tiré sur le colonel. Vous y croyez? Pas trop, non. Même s'il me paraît évident que la mort de Kadhafi avait été programmée depuis longtemps par les dirigeants de la coalition. Mais on en reparlera. Et quand est-il réellement mort? Difficile à dire. Nu, ensanglanté et déjà moribond, il aurait été embarqué dans une ambulance. Et c'est dans ce véhicule qu'il aurait reçu le coup de grâce. Mais au fond, peu importe, puisque je vous l'ai dit, il ne pouvait pas s'en sortir vivant, ou plutôt, il ne devait pas. À cause des révélations qu'il aurait pu faire s'il avait été l'objet d'un procès? Entre autres, oui, car Kadhafi aurait eu beaucoup à dire. Et sur de nombreux hommes politiques. Mais enfin, je vous l'ai promis, je ne me défausserai pas et je reviendrai sur cet aspect précis. Alors, par où commence-t-on? Par un chiffre, si vous le voulez bien. Le bilan humain de l'insurrection libyenne, et donc aussi de l'intervention franco-britannique. D'après les sources les plus sérieuses, on peut estimer entre 30 000 et 40 000 personnes qui ont trouvé directement la mort au cours de ces événements. Mais réparties comment? La moitié dans le camp des insurgés, les autres étant des kadhafistes. Mais le nombre de ces derniers a sans doute été sous-estimé par les vainqueurs pour qui les partisans du dictateur déchu n'étaient que des chiens. Inutile de les décompter, donc. Or, on le sait, après la victoire des révolutionnaires, les Tuars, comme on les nomme, certains fiefs de tribus fidèles à Kadhafi, ont été l'objet de terribles opérations de représailles. À Tawarga, par exemple, une ville proche de Sirte, on a observé de véritables massacres et à la destruction de nombreuses maisons. Toujours à propos des morts, là, est-ce que les frappes aériennes de l'opération franco-britannique ont causé de nombreuses victimes civiles? Bah, il y a eu forcément des morts, mais relativement peu, eu égard à l'intensité des bombardements. Ouais, très peu d'erreurs de tir, par conséquent. En effet. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que rarement on a assisté à une telle accumulation de mensonges et de manipulations diverses. Et cela, bien sûr, pour justifier l'intervention militaire de Paris et de Londres. Donc, il fallait à tout prix noircir le régime de Kadhafi, qui n'en avait pourtant nul besoin, et exagérer les menaces qui pesaient sur les populations civiles. Mais enfin, n'allons pas trop vite, et nous verrons tout cela au fur et à mesure. Alors, dans un premier temps, je vous propose de faire un retour en arrière. Ah, un petit cours d'histoire, votre péché mignon. Bon, je vous en prie. Ben, si vous voulez comprendre pourquoi les Libyens se sont révoltés, il vous faut au moins savoir quelle était la vraie nature du régime qui les asservissait. Et puis aussi connaître quelques données essentielles sur le pays. La Libye est 3 fois grande comme la France, mais ne compte que 5 millions d'habitants, la plupart vivant en Tripolitaine. Oui, à l'ouest. C'est ça. Il existe 2 autres régions sous-peuplées, surtout le faisant au sud, un désert qui regorge de pétrole et de gaz. Et puis il y a à l'est de la Cyrénaïque, une région religieusement très conservatrice. Et sa capitale est Benghazi. Hein. C'est aussi la région d'origine de l'ancienne famille royale. Et donc du roi Idriss, qui a été renversé en 1969 par de jeunes officiers, parmi lesquels Muammar Kadhafi. Qui s'affirme rapidement comme leur leader, puis devient progressivement le vrai maître du pays. Et à l'époque, là, au début, comment se situe idéologiquement ce jeune officier ? C'est un révolutionnaire, anticolonialiste et anti-impérialiste qui affirme que sa première prise de conscience politique est née de l'expédition franco-britannique de Suez en 1956. Et ses modèles sont Che Guevara et Fidel Castro. D'ailleurs, très vite, il mettra en pratique cette idéologie en nationalisant le pétrole libyen. Autre caractéristique du personnage, Kadhafi est originaire de l'Ouest. Mais il prend d'abord la précaution de s'appuyer sur une direction collégiale, dont les membres, tous des officiers, sont assez bien répartis géographiquement. Une guerre entre les régions de l'Est et de l'Ouest. Et ça dure jusqu'en 1973. Mais cette année-là, Kadhafi se débarrasse de cette instance collective, le CCR, c'est-à-dire le Conseil du commandement de la Révolution. Déjà, il doit être seul aux commandes. Et il met en place un système très autoritaire et personnel dans lequel la tribu devient un acteur de plus en plus important. Et pour asseoir son pouvoir, Kadhafi noue des alliances avec les grandes tribus de l'Est et renforce celles de l'Ouest, dont sa tribu d'origine, les Kadhafa. Il joue donc toujours, apparemment, l'équilibre. Oui, mais en 1975, il amorce un recentrage vers l'Ouest et renforce ses alliances avec les Intan, les Warfala et les Ouled Slimane, tandis qu'il rompt avec les tribus du Misrata. Misrata, où on se souviendra de tout cela en 2011. Pas forcément. Et même si Kadhafi a été suffisamment malin pour offrir des postes de clé à des gens de l'Est avec des alliances tournantes, le mécontentement ira croissant à l'Est. En réalité, le guide s'est livré à un véritable jeu de chaises musicales afin de consolider son pouvoir personnel. Mais ce système n'a pas permis que s'établissent des structures administratives pérennes et efficaces, puisque les fonctionnaires étaient souvent mutés avant de procéder à des réformes. Mais c'est aussi un régime policier. Kadhafi réprime impitoyablement tous ceux qui veulent s'opposer. En 1996, par exemple, 1200 prisonniers islamistes sont massacrés à la prison d'Abu Salim. Cependant, la principale caractéristique du système, c'est l'instauration de la Jamaïlia, c'est-à-dire l'état des masses, une institution parfaitement originale qui va permettre à Kadhafi de demeurer au pouvoir pendant presque un demi-siècle. Élément fondamental pour bien comprendre la société libyenne, le fait tribal. Selon l'un des meilleurs spécialistes de cette question, l'ancien diplomate Patrick Hemzadeh, le sentiment d'appartenance tribale demeurera une donnée majeure. Extrait de l'un de ses articles publiés en septembre 2011 dans Le Monde diplomatique. Loin d'être une structure monolithique ou pyramidale, la tribu libyenne s'apparente en temps de paix à un réseau de solidarité souple permettant d'accéder à des ressources ou à des postes et autorisant des stratégies personnelles ou collectives. En fonction de la proximité ou de la brouille d'un de ses membres avec le prince, l'appartenance à une tribu procure des avantages ou au contraire représente un handicap. Ainsi, les habitants de Misrata ont-ils été en grâce auprès de M. Kadhafi jusqu'en 1975 ? Puis, en raison de divergences personnelles et idéologiques avec le colonel Omar al-Mehishi, l'un de ses compagnons de la première heure qui en était originaire, le dirigeant a rompu son alliance avec eux pour se tourner vers leurs adversaires historiques, les Warfala, originaires de Bani Walid. Depuis lors, les habitants de Misrata ont été écartés des fonctions sensibles, gardes prétoriennes, services de sécurité, et relégués à des postes technocratiques. Rendez-vous avec X. La Jamaïria mise en place par Kadhafi repose sur trois sources de légitimité: révolutionnaire, militaire et tribale. Alors, voyons cela dans l'ordre. Les comités révolutionnaires sont les garants de la doctrine jamaïrienne et de la mobilisation des masses sur le modèle des gardes rouges de Mao ou encore des pasdarans iraniens. Ils regroupent environ 30 000 membres et sont renouvelés par cooptation. On les retrouve dans toutes les structures de l'État et des grandes entreprises. Ils sont donc en première ligne pour défendre le système. Et on le verra lors de la répression de la première manifestation du 15 février 2011. Ce sont eux qui sont intervenus. Mais leur violente action répressive conduira deux jours plus tard au début de l'insurrection contre le régime. Ouais, un enchaînement presque automatique. En effet. Deuxième pilier du régime, les gardes prétoriennes qui sont dévolues à la protection du guide et de sa famille. Elle rassemble environ 15 000 hommes, répartis en trois gros bataillons dits de sécurité et trois brigades interarmes. Leurs membres sont essentiellement recrutés au sein des deux grandes tribus du centre et du sud libyen, les Kadhafa et les Margaria. Donc des fidèles de Kadhafi. Oui, j'ajoute que ces prétoriens bénéficient de nombreux avantages matériels et sont commandés par deux des fils de Kadhafi. Leurs brigades se battront résolument sur plusieurs fronts pendant 6 mois lors de l'insurrection. Enfin, il me faut parler des tribus qui jouent un rôle essentiel dans le système Kadhafi. À partir de 1975, les tribus constituent un élément indissociable du clientélisme qui est au cœur du régime. Mais le guide doit en permanence veiller à maintenir un fragile équilibre entre les tribus et les régions. Et répartir l'argent, j'imagine. Bah, bien sûr, car la Libye est ce que l'on appelle un état rentier. Ouais, la ressource pétrolière. Qui représente plus de 90% de ses revenus. Dans la Libye de Kadhafi, il n'existe aucune taxation des citoyens. Ça veut dire que l'État ne dépend donc pas financièrement des citoyens. Et par conséquent, il estime ne pas avoir à leur rendre de compte. Il existe donc un pacte implicite entre l'État et ses citoyens. Contre la passivité de ces derniers, le pouvoir procède à la redistribution de la rente pétrolière. Ne bougez pas, on vous nourrit et on s'occupe de tous vos besoins. C'est à peu près ça. Ouais. Alors pourquoi ce système en apparence si stable va-t-il soudain craquer ? Il y a d'abord ce fait que j'ai abordé tout à l'heure, c'est-à-dire l'antagonisme régional croissant entre l'Est, la Cyrénaïque, et l'Ouest, la Tripolitaine et le Fezzan. Ouais. L'Est se sentant défavorisé par le pouvoir. Oui, et les habitants de cette région le ressentent d'autant plus qu'avant la révolution de 1969, c'était la Cyrénaïque qui dominait politiquement et économiquement l'État libyen. Ouais, dirigée par le roi Idriss, originaire de la région. Hein. Avec l'arrivée de Kadhafi, ça change peu à peu. Les membres des élites de l'Est doivent désormais se contenter de postes technocratiques. Cet éloignement des cercles dirigeants s'accompagne aussi de restrictions d'ordre économique. Le système clientéliste qui caractérise le fonctionnement de l'État libyen profite prioritairement à l'ouest, tandis qu'en Cyrénaïque, les dotations budgétaires sont retardées et quelquefois purement annulées. Mmh. Avec quelles conséquences ? Dès le début des années 80, on assiste à un délitement progressif du secteur de la santé, un retard dans la construction de logements et naturellement un délabrement des infrastructures étatiques. Mmh. La Cyrénaïque se sent donc mal aimée. Et ce n'est certainement pas par hasard. Si l'affaire des infirmières bulgares et du médecin palestinien a éclaté en 1998, justement à l'hôpital de Benghazi. Ouais. Rappelons simplement que ces personnels soignants ont été accusés à tort d'avoir volontairement contaminé avec le virus du sida des centaines d'enfants libyens. Et dans une région contestataire où tout était prétexte pour critiquer le pouvoir, l'affaire a provoqué un véritable embrasement. Et le régime, pour détourner la colère des habitants de Benghazi, a choisi de faire de ces malheureuses infirmières et du médecin des boucs émissaires. La preuve, c'est que la police locale a été dessaisie et que l'enquête a été confiée aux services secrets. Mais on en reparlera à propos des rapports que Kadhafi a entretenus avec la France et singulièrement avec Nicolas Sarkozy. En tout cas, bon, c'est une affaire montée de toutes pièces, donc, et exploitée au plus haut niveau. Évidemment. Et donc Kadhafi s'est servi habilement, vous le verrez. Le deuxième facteur qui va contribuer à affaiblir le régime, c'est la libéralisation de l'économie à partir de 2002. Une libéralisation demandée par les instances économiques internationales à partir du moment où le voyou Kadhafi montre patte blanche, renonce à fabriquer des armes de destruction massive, indemnise largement les victimes des attentats où se sont compromis des agents libyens et devient presque fréquentable. C'est-à-dire qu'on va à nouveau pouvoir signer de fructueux contrats avec la Libye. Kadhafi réintègre donc le concert des nations et doit se plier aux règles de la mondialisation et du système capitaliste. Mais qu'est-ce que ça change à l'intérieur du pays ? Ah bah on privatise à tour de bras. Les riches deviennent plus riches et les pauvres un peu plus pauvres. C'est-à-dire qu'on met à mal le système relativement égalitaire qui existait jusqu'alors. Ouais, d'où un mécontentement grandissant de la population. Et particulièrement à l'Ouest qui avait jusque-là bénéficié des bienfaits du système. Enfin, un troisième facteur va conduire à l'affaiblissement du régime. On voit apparaître au cours de ces années 2000, et ça va de pair avec les privatisations, de nouveaux prédateurs économiques et l'instauration d'un vrai système politico-mafieux dans lequel les fils Kadhafi vont tenir la première place. Mais pourquoi, ils n'en ont pas assez ? Il faut croire que non. Bien connus pour leur frasque de fils à papa, ils veulent maintenant prendre leur part grâce à la libéralisation économique et l'ouverture de la Libye à l'international à partir du début de la décennie 2000. Mais cette montée en puissance des fistons Kadhafi ne va pas sans créer des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres cercles qui veulent avoir leur part du gâteau, des généraux, des gouverneurs. Résultat, les fils Kadhafi deviennent les bêtes noires du régime. Et ils sont haïs par le peuple, surtout à l'Est, où l'on est plus traditionnel et religieusement plus rigoureux. Comment commence la révolution libyenne, alors ? Moi, je parlerais plutôt d'insurrection. Une insurrection qui va dégénérer en guerre civile. Surtout quand vont intervenir les frappes franco-britanniques. Ouais, là, vous coupez les cheveux en quatre. Non, parce que ces pseudo-révolutionnaires n'étaient animés que par une idée. Se débarrasser de Kadhafi. Et si je parle de guerre civile, c'est que jusqu'au bout, le guide a été soutenu par une fraction importante de la population. Autre idée fausse, parce qu'on a plaqué sur la société libyenne des schémas qui lui étaient étrangers. On a prétendu qu'il y existait des libéraux, des laïcs opposés aux islamistes. Et ce n'est pas vrai ? Non, car la grande majorité des Libyens sont religieux et ont une pratique islamiste. En tout cas, tel qu'on l'entend chez nous. Ouais, le respect de la charia, par exemple. Il ne faut pas oublier que dès la chute de Kadhafi, lorsqu'il a été question de rédiger une constitution, ces prétendus libéraux choyés par les belles âmes occidentales ont aussitôt réclamé que la charia soit le socle de cette constitution. Ouais, grosse déception. Là. Et surtout incompréhension, car ces gens-là ne connaissaient pas la réalité des structures sociales libyennes. Ou au risque de me répéter, c'est d'abord l'appartenance tribale qui fonde la fidélité des individus. Alors vous me demandez comment tout avait commencé ? J'y viens tout de suite. We'll be right back. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Retour sur l'ouverture de la Libye à l'orée des années 2000. Patrick Mzadeh, déjà cité, a publié un excellent ouvrage en 2011 au cœur de la Libye de Kadhafi. J'y ai lu ceci. Les experts économiques et le FMI se réjouissent. Et les entreprises étrangères voient déjà la possibilité d'immenses contrats avec la Libye. Les experts extérieurs veulent croire que le principe, selon lequel l'accumulation primitive du capital donne naissance à une classe bourgeoise, va s'appliquer en Libye, ou que la concurrence libre et non faussée s'y imposera, ouvrant ainsi le pays aux joies du doux commerce. Dans la réalité, les choses se passent différemment. Les privatisations se font par simple transfert de propriété de structures étatiques vers les bénéficiaires habituels du système clientéliste, familles, grandes tribus de l'Ouest, militaires, cadres des comités révolutionnaires. Le système de redistribution, qui avait assuré un minimum de garantie à la population libyenne, est démantelé peu à peu. Subventions réduites sur produits de consommation de base sur lesquels comptent les familles modestes. En même temps, l'entreprise individuelle se heurte toujours au contrôle tatillon des services de sécurité. Le vrai début, c'est le 15 février 2011. Ce jour-là, quelques dizaines d'habitants de Benghazi manifestent. Benghazi, capitale de la Cyrénaïque, est une grosse ville. Hein. Ah oui, plus de 800 000 habitants. Si ces gens sont révoltés, c'est parce qu'un avocat défenseur des familles des prisonniers politiques islamistes massacrés en 1996 dans la prison d'Abou Salim vient d'être arrêté. Pour quelle raison ? Cet avocat réclamait une indemnisation semblable à celle qui a été octroyée par le régime aux familles des victimes des attentats de Lockerbie et du D-10 du TA au-dessus du Sahara. Des attentats dont les dirigeants libyens n'ont jamais reconnu la responsabilité. Et pourtant, ils ont payé. Ouais. C'était le prix exigé pour qu'ils redeviennent fréquentables. Mais nous en avons déjà parlé. Cet avocat est rapidement libéré. Cependant, ça ne calme pas les gens qui sont descendus dans la rue. Bien au contraire, parce qu'ils considèrent que cette libération est un geste de faiblesse du Raïs. Est-ce qu'ils encouragent donc à poursuivre leur action ? Bien entendu. Une parenthèse ici. Il semble bien que d'autres mouvements de protestation aient eu lieu simultanément dans d'autres régions du pays, même si on n'a parlé que des manifestations de Benghazi. Tout cas, je poursuis. Le lendemain, 16 février, deux cortèges de manifestants convergent vers la place centrale où siègent l'administration de la ville et les grosses entreprises. Mais cette fois, la police ouvre le feu et il y a plusieurs morts. C'est l'escalade. Kadhafi comprend alors le danger. Il tente aussitôt de calmer le jeu. Il promet d'augmenter les salaires des fonctionnaires, de baisser le prix du pain et il limoge le chef de la sécurité de Benghazi. En même temps, il ordonne la libération de 110 membres d'un mouvement islamiste auquel appartenaient les victimes du massacre de la prison d'Abou Salim. Et ces mesures d'apaisement là, produisent-elles leur effet ? Ben non, parce qu'il est sans doute trop tard. Le 17 février, une nouvelle manifestation est organisée. Il s'agit d'un mouvement de protestation pacifique où l'on aperçoit surtout la jeunesse étudiante issue de milieux plutôt favorisés. Des jeunes gens familiers de l'utilisation d'Internet. Et déjà sur les réseaux sociaux apparaissent des groupes qui s'intitulent « Révolte du 17 février ». Pourquoi cette appellation là ? Il s'agit d'une référence à la répression brutale du 17 février 2006, lors d'une manifestation devant le consulat italien de Benghazi, afin de protester contre la publication à Rome des caricatures de Mahomet. Donc une manifestation islamiste. Certes, mais rapidement, ce mouvement de protestation avait tourné en une critique virulente du pouvoir. Il faut aussi ajouter, naturellement, que si en 2011, la mayonnaise protestataire monte aussi vite, c'est que les révoltes réussies de Tunisie et en Égypte encouragent les opposants libyens qui suivent tout cela en direct sur la chaîne Qatari Al Jazeera. Et forcément, ce qui doit arriver arrive. Après la carotte, c'est le bâton. Ouais, la répression. Oui. Les miliciens et les soldats tirent à balles réelles sur les manifestants. Résultat, une véritable réaction en chaîne dans toute la Cyrénaïque, puis dans les régions qui estiment être maltraitées par le régime, comme dans le Djebel Nefoussa, au sud de Tripoli, ou encore à l'ouest, à Zouara, qui est peuplé de berbères. Et a-t-on une idée de l'ampleur de cette répression ? Dès le 19 février, l'organisation Human Rights Watch évalue à 173 le nombre de tués depuis le 15 février. Puis le lendemain, la colère gagne Tripoli. Là aussi, les forces de l'ordre tirent sur les manifestants qui convergent vers la place verte. Ouais, la place verte, c'est un endroit symbolique pour le pouvoir. Oui, et ce même jour, un fils de Kadhafi, Saïf al-Islam, celui que tout le monde voit comme le successeur de son père, dénonce un complot étranger aux motivations islamistes. Ah, c'est classique, ça. Et menaçant, il ajoute, soit nous nous entendons aujourd'hui sur les réformes, soit il y aura des rivières de sang dans toute la Libye. Mais la machine s'emballe. Le 21, deux pilotes libyens aux commandes de Mirage se déroutent vers Malte parce qu'ils ont refusé de bombarder un village au sud de la capitale. Puis c'est Kadhafi lui-même qui apparaît à la télévision. Ben c'est la première fois depuis le début des événements. Et le guide est fidèle à lui-même. Dans une allocution hallucinée, il jure de se battre jusqu'à la dernière goutte de son sang. Dans ce processus de montée en puissance de la révolte, quel est le rôle des tribus ? En faisant appel à la solidarité clanique et familiale, elles sont très efficaces dans la mobilisation, y compris dans les villes où les individus d'une même région se rassemblent par quartier. Alors ça, c'est plutôt favorable à l'expansion de la révolte ? Certes. Enfin, il faut nuancer. Ces tribus sont aussi divisées en plusieurs dizaines de sous-ensembles disposant chacun d'un cheikh. Et celui-ci peut choisir de rallier ou non les insurgés. Oui, alors à l'intérieur d'une même tribu, on peut avoir des kadhafistes et des anti-kadhafistes. C'est parfaitement exact. Il faut aussi souligner que dans les zones rurales et les villes peuplées majoritairement de membres de grandes tribus très impliquées dans le système Kadhafi, on est peu enclin à se soulever. Mieux, on peut fournir des miliciens et des combattants favorables au guide. C'est pourquoi je parlais de guerre civile plutôt que de révolution. Alors, venons-en maintenant à ce qui va être un tournant radical dans l'évolution de l'insurrection, de l'intervention militaire de Paris et de Londres. Avec le soutien du Qatar, je ne veux surtout pas l'oublier. Mais auparavant, il faut évoquer le CNT, le Conseil National de Transition. Qui va chapeauter la rébellion. Et qui va en revendiquer rapidement la direction. Mais c'est un organisme autoproclamé dont la légitimité est pour le moins douteuse. En réalité, c'est l'Occident, c'est-à-dire Paris, Londres et accessoirement Washington, qui va en faire un interlocuteur obligé. Et je vais vous expliquer comment. Attendez, auparavant, là, quels sont les hommes qui composent ce CNT ? Ils sont une trentaine, mais en prétextant des raisons de sécurité, ils ne se feront connaître que bien tardivement. À noter d'ailleurs que nombre d'entre eux sont des Libyens de l'étranger, coupés depuis longtemps de leur patrie. Cependant, deux figures émergent. Le premier, Mustapha Abdeljalil, est un apparatchik du régime kadhafiste. Magistrat de formation, c'est cet islamiste qui a condamné à mort à deux reprises les infirmières bulgares. Ouais, sur ordre du guide. Naturellement. Abdeljalil ne s'est rallié à la rébellion que 5 jours après son commencement. Et pourtant, il va prendre la présidence du CNT. Bah, ça mérite une explication, ça. C'est très simple. L'un des principaux responsables de cette ascension éclair s'appelle Bernard Henri Lévy. L'écrivain est arrivé à Benghazi le 1er mars. Mais seulement 15 jours après les premières manifestations. Et sans doute dans un grand état d'exaltation révolutionnaire, il rencontre les insurgés. Et réalisant que le mouvement doit être incarné, il porte son choix sur Abdeljalil, qui, en raison de sa qualité de magistrat, jouit déjà d'un certain prestige. Ouais, mais il y a aussi son passé. Ah, ben ça ne semble pas inquiéter outre mesure BHL. Ouais. Et l'autre homme ? Il se nomme Mahmoud Djibril. Lui aussi a un lourd passé kadhafiste. Ministre et principal conseiller de Saïf al-Islam Kadhafi, il a quitté le gouvernement libyen quelques mois avant le début de l'insurrection. Ayant précédemment effectué une carrière de riche consultant à l'étranger, Djibril a surtout aidé Kadhafi à retrouver une aura libérale en Occident. C'est donc ce personnage qui va être nommé par ses pairs Premier ministre du CNT. Ouais. Alors tous les deux sont en quelque sorte adoubés par BHL. Qui, en les rencontrant à plusieurs reprises au cours de ces premiers jours du mois de mars, leur confère une sorte de légitimité nationale, mais aussi internationale. Car ça va aller très vite. BHL a déjà pris langue avec Sarkozy, à qui il a rapporté la teneur de ses contacts à Benghazi. Et dès le 10 mars, une délégation de 3 représentants du CNT, conduite par Djibril, est reçu à l'Élysée. Bien sûr, Bernard-Henri Lévy est présent. Et la France les reconnaît aussitôt comme représentants officiels de la Libye. C'est quand même une précipitation étonnante. BHL a dû être excessivement convaincant. À moins que Nicolas Sarkozy ait déjà décidé de tourner la page Kadhafi avant même cette rencontre avec la délégation du CNT. Alors il aurait donc saisi l'opportunité de cette initiative de BHL ? C'est ce que je pense. Mais nous verrons cela dans un prochain entretien, car les relations entre la France et la Libye, et particulièrement celles entre Kadhafi et Sarkozy, ne manquent pas de piquant. Et d'après vous, alors, est-ce que le président français là avait déjà envisagé une option militaire en Libye ? Là encore, je le pense. Car tout va aller très vite, exceptionnellement vite même. Le 17 mars, Français et Britanniques obtiennent de l'ONU le vote d'une résolution imposant une zone d'exclusion aérienne à l'aviation de Kadhafi. Résolution qui permet aussi, éventuellement, une action militaire pour protéger les civils. Et seulement 2 jours plus tard, les bombardiers passent à l'action. Alors, ce qui prouve, selon vous, que Paris et Londres avaient anticipé leur intervention. Tout à fait. Et à partir de là, nous entrons dans une zone de mensonges, ou au mieux de non-dits. Enfin, on verra ça la semaine prochaine. Comme nous verrons aussi dans le détail quelles ont été les conséquences de cette guerre libyenne, à la fois dans le pays lui-même, mais aussi dans toute la région où Kadhafi, pour le meilleur ou pour le pire, imposait son autorité et usait de son entregent. À samedi prochain, donc, pour la suite de ce récit riche en informations inédites ou troublantes. Quelques livres pour en savoir plus au cœur de la Libye de Kadhafi de Patrick Hemzadeh, Sahélistan de la Libye au Mali au cœur du nouveau djihad de Samuel Laurent, Histoire politique des services secrets français de Koffer, Guinel et Valigo et enfin La vérité sur notre guerre en Libye de Jean-Christophe Notin. Et enfin, et ça n'a rien à voir, pour les nostalgiques de l'émission de Laurent Lavige, Blacklist, je vous signale la parution d'un joli petit livre de Laurent, Ma Black Music, une promenade passionnante dans le monde de la musique noire, aux éditions de l'Épervier. Sur franceinter.fr, vous pourrez comme d'habitude communiquer avec nous. Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée par Michel Biou et mise en musique par ce cher Joub. Et tout de suite, après le flash CO2, mon amour de Denis Chessou.